les chemins bleus du paradis. Il les voyait distinctement, bordés de frais buissons où luisaient, en guise de fleurs, des étoiles, comme s'il y était déjà. Et Damase trottait, et Bénézé, à califourchon sur Damase, reconnaissable encore, malgré qu'il eût l'oreille longue et le poil bourru, lui criait: Hue, Damase, sue tes écus, il n'est rien tel que le trotter, profond et de mauvaise graisse. Contentement passe richesse, affirme assez justement le proverbe. Il l'engendre aussi quelquefois. Qui ne vous a pas dit que Bénézé se trouva si content d'être assuré d'avoir plus tard batté et bridé dans son écurie cet usurier de Damase, qu'il en devint comme un autre homme? Lui, qui trouvait la terre trop basse, et, à l'envers du Créateur, ne travaillait qu'un jour sur sept, on le vit, levé avant l'aube, resté dans son champ, à s'attirer et rustiquer, sans y prendre garde, jusqu'à l'heure du soleil failli. Le travail ne l'ennuyait plus, depuis qu'en travaillant, il pensait à Damase. Il déserta le cabaret, qui se partageait, avec l'huissier, le meilleur de ses économies, si bien que, un peu de chance aidant, la récolte ayant été bonne, et les produits de la terre s'étant bien vendus, il se trouva, au bout de l'année, pauvre encore, mais un peu moins pauvre. Puis, un héritage lui tomba du ciel. Le voilà, ma foi, presque riche. Alors, Bénézé s'inquiéta.